un truc bizarre, comme un petit, je sais pas trop quoi, qui vient et qui repart. Je sais pas ce que c'est, je peux pas le décrire. On dirait genre, tu sais, si tu vois ce que je veux dire. Mais y'a pas de raison que ça s'arrête là. Pas de raison, non, non, non. Pas de raison que ça s'arrête là. Pas de raison, non, non. Y'a pas de raison que ça s'arrête là. Pas de raison, non, non, non. Y'a pas de raison que ça s'arrête là. Y'a pas de raison que ça se termine pas en chanson. Quelque chose, je crois que ça m'arrive à moi aussi, ce truc dont tu causes. Et c'est vraiment curieux, et comment appeler ça? Ça ressemble un peu à... Ah non, peut-être pas. Y'a pas de raison que ça s'arrête là. Y'a pas de raison, non, non, non. Y'a pas de raison que ça s'arrête là. Pas de raison, oh non. Y'a pas de raison que ça s'arrête là. Y'a pas de raison, non, non, non, non. Y'a pas de raison que ça s'arrête là. Y'a pas de raison que ça se termine pas en chanson. Ce drôle de machin, paniquez pas, ça fait pas mal, non. C'est plutôt du style, tu vois, mais en plus génial. Ouais, ça tripe trop, il faut s'en rappeler. Ça ferait une super intro à mettre sur un CD. Et ce truc trop bien, on pourrait presque le garder dans un coin et repartir avec. Y'a pas de raison que ça s'arrête là. Y'a pas de raison, non, non, non. Y'a pas de raison que ça s'arrête là. Y'a pas de raison, non, non. Y'a pas de raison que ça s'arrête là. Y'a pas de raison, non, non, non. Y'a pas de raison que ça s'arrête là. Y'a pas de raison qu'on le ramène pas à la maison. Wapalapapa, yeah. Wapalapo, wapalapapa.